Qu'est-ce qu'on fait avec des Jean-François Roy de ce monde? Si jamais là il décide de déclarer coupable, si jamais on va à procès parce qu'il se déclare non coupable, puis là on va sûrement essayer de mettre ça sur la drogue, les problèmes qu'il a vécu dans son enfance. Est-ce qu'il était là au moment du drame? Sûrement pas, parce qu'il était peut-être en psychose. Si c'est réellement lui, là, qu'est-ce qu'on fait avec ce genre d'individu? On le prend, on le met en prison, pis on s'en occupe jusqu'à temps qu'il passe l'autre côté? Parce que c'est ça qui va arriver, là. Il n'y aura pas 75 ans de prison comme Justin Bourque, là. Non, même si on y en donne 25, on va en prendre soin pareil, puis on va le nourrir, puis on va essayer de le ramener dans le droit chemin, puis c'est un gars qui a pas eu la vie facile. Comme les autres. Problème de consommation, puis il était sûrement pas... Ah non, il y avait pas toute sa tête quand c'est arrivé, parce que pourtant, c'était tellement un bon petit gars, fait qu'on va en prendre soin, puis on va l'éduquer, puis on va lui donner des médicaments, puis on va le nourrir 3 fois par jour. Puis c'est ce qui va arriver avec des Jean-François Roy de ce monde, là. À moins qu'il soit pas coupable. Là, je sais pas, on l'a arrêté, mais je pense que les policiers ont pas arrêté n'importe qui, là. Puis il a passé au palais de justice aujourd'hui. Entre vous puis moi, là, ça, c'est un excellent cas, selon moi, de ramener à peine de mort pour l'espace de 5 minutes, puis après ça, on s'en débarrasse, puis on passe à d'autres choses. Selon moi, cet individu-là, si c'est réellement lui, là, parce qu'on a quand même un système de droit, un système de justice, moi, lui, une balle dans le front, j'ai aucun problème avec ça, là. Parce que si c'est lui qui l'a tué, puis assassiné comme ça un chauffeur de taxi pour X raisons, que ce soit n'importe quelle raison, t'as pas le droit de tuer quelqu'un. Jamais de bonne raison. Non, il y a aucune bonne raison, t'as pas le droit de tuer quelqu'un. Puis des taouins de même, là, il y en a un, puis il y en a deux, puis il y en a trois, puis il y en a plein, là. Il y en a plein de ça ici, au Canada, puis au Québec. Moi, j'ai pas le goût de dépenser de l'argent pour faire vivre ce gars-là jusqu'à la fin de ses jours. Certaines personnes vont me dire, ouais, mais là, tu sais, il va prendre le temps de réfléchir, puis il va avoir des remords. Si on le tue de suite, il aura pas le temps de réfléchir, puis de penser à son geste. Moi, des gens comme ça, je m'en fous. Qu'il ait le temps de réfléchir ou pas, si on peut s'en débarrasser et penser à quelque chose, va falloir à un moment donné qu'on s'occupe de ce genre de crotté-là. Je commence à être écœuré d'en garder en vie trop longtemps pour rien. Là. Parce que là, tu parles de crotté, mais on l'a dit aussi, c'est un individu qui était connu du milieu des policiers, qui a un passé criminel. Donc, ce qui était dans les rues, c'est probablement justement parce que il a peut-être prouvé sur papier qu'il était correct pour sortir, puis d'être libre, puis faire ce que vous voulez. Il était en probation. Mm-hmm. On l'a su. Mais que t'aies des problèmes de dope ou encore que tu te fasses pogner à voler ou des choses comme ça, j'ai pas de problème. Puis je dirais pas qu'on te mette sa chaise électrique à cause de ça, là. Mais quand t'es rendu à commettre un crime comme celui-là, qui est selon moi un crime crapuleux, qui ne mérite pas d'être commis, même s'il n'y a aucun crime qui mérite d'être commis, mais vous comprenez ce que je veux dire. Moi, un meurtre, j'ai aucune tolérance pour ça. Mais selon moi, ce gars-là, j'ai aucune sympathie, là. Mais 0000, on devrait s'en débarrasser. Comme Richard Bain, qui est arrivé, que je vous l'ai dit, au Métropolis, quand c'est arrivé avec Pauline Marois. La même affaire aussi avec Guy Turcotte. Moi, Guy Turcotte, là, je m'en débarrasserais, ça prendrait pas de temps pantoute. D'ailleurs, si je me trompe pas, il revient en cours aujourd'hui. C'est la cour d'appel qui va étudier la remise en liberté de Guy Turcotte, parce qu'en attendant son procès en septembre 2015, ben là, il est libre, il reste chez son oncle présentement. Mais là, la cour d'appel qui présentement présente le dossier comme quoi qu'on garde, on aimerait ça le ramener en arrière des barreaux, là, en attendant. C'est normal. Tout à fait normal. Quand, bon, t'es déclaré criminellement non responsable pour cause de troubles mentaux, on va en appel et finalement, on revient avec un nouveau procès. On commence d'habitude comme au début. Fait que si t'as été arrêté, on devrait le réarrêter puis le remettre en prison en attendant son procès. Il me semble que c'est la chose la plus logique au monde. Mais encore là, Guy Turcotte, on veut-tu avoir ça encore en vie puis en liberté? Même s'il passe le restant de ses jours en dedans, on peut-tu s'en débarrasser de Guy Turcotte? On n'a pas besoin des Guy Turcotte de ce monde. On n'en veut pas. Tu veux faire avec ça en prison? On n'a aucune chance de le réhabiliter, là. Même si vous me dites, ah, les médicaments, puis il était pas conscient, puis il est si... Non, je comprends, là. Mais le gars, il les a tués ou il les a pas tués, ses deux enfants? Il les a tués. Puis c'est pas un ou deux ou trois ou quatre coups de couteau, là. C'est un coup de trentaine de coups de couteau chaque. Puis s'il était dans une si psychose que ça, là, c'est quand même surprenant que chaque coup de couteau a trouvé sa cible, hein. Tu sais, quand tu capotes, puis là, tu te pètes, là, tu fais un coup de couteau ici, puis là, puis un coup dans le matelas, puis un coup dans le mur. Non, non. Chaque coup de couteau qu'il a donné est rentré bien comme il faut dans le corps de ses deux enfants. Psychose occasionnée par sa propre décision de consommer du Lavit. Et voilà. Si moi, je décide de boire 600 gallons de Lavit, puis je prends le char, puis je m'en vais tuer quelqu'un, là, je vais-tu dire que c'est à cause du Lavit? C'est que le problème, c'est que c'est qui l'a bu, la vite? C'est moi. Fait que c'est un peu moi qui a causé ma perte. Dans le cas de Guy Turcotte, c'est la même chose. Puis on s'entend que, avec le poste qu'il avait, l'emploi qu'il occupait, c'est un homme brillant, là. Tu sais, il veut pas, là. Tu sais, il a sauvé des vies, ce gars-là, pareil, là. Tu sais, puis là, tout d'un coup, il l'échappe. C'est un peu weird. Qu'est-ce que vous pensez de ça? 418-670-9098, 1-877-440-2464, ou par courriel, live, en commercial, radiox.com. J'aimerais savoir ce que vous pensez de ça. Il y a Jean-François qui est un fan de l'émission, nous écrit à peu près 6 fois par jour. Merci d'être là, Jean-François. On dit que les tubes digestifs comme ce salaud devraient être éliminés comme les chiens et les chats qui ont mordu qui arrivent à la SPA. Ça devrait être normal de se débarrasser des salauds. Ce qui est pas normal, c'est de les faire vivre à nos frais. Ça devrait être peine de mort ou bien qu'il paye sa place en prison. Aussi simple que ça. Mais moi qui paye sa place en prison, qui ait de l'argent, je peux comprendre, là. Mais c'est plus nécessairement non plus une question d'argent. Oui, c'est une question d'argent parce que ça coûte, c'est 120 000 que ça coûte garder un prisonnier en dedans au fédéral, puis c'est 85 000 ou 90 000 que ça coûte garder quelqu'un au provincial. Sauf que quand vous êtes accusé de meurtre, vous êtes déclaré coupable, vous en allez au fédéral. Fait que c'est 120 000 par année. Oui, je comprends pour payer, mais je comprends aussi que ce gars-là, moi, j'ai pas du tout l'intention qu'il reste en dedans pareil. Je veux pas que ce gars-là continue à respirer, là. Quelques appels au téléphone. On a un appel sur la 1. Oui, allô, Radio X. Oui, monsieur, est-ce que c'est moi? Oui, c'est vous, on vous écoute. Oui, bonjour, monsieur. Je suis 100%, mais 100% de votre avis, d'un crotté de main d'avoir tué un pauvre grand-papa de 73 ans un mois avant Noël, qu'on va le... Vous avez oublié de dire... On va le nourrir, mais on va le torcher et tout. Ah oui. Puis si jamais il se passe de quoi, puis on l'attaque, là, on va l'isoler pour être sûr qu'il va être correct. Ben, c'est certain qu'il faut le protéger, parce que, comme vous dites bien, c'est pas de sa faute. C'est à cause des drogues. C'est à cause de son papa, puis de sa maman, puis peut-être bien de son grand-père. Puis mettons donc le chien du voisin. C'est qui va payer encore, c'est nous autres. C'est nous autres. Encore, comme ben tout oui. Le temps. Hey, merci beaucoup d'avoir appelé. Ben, tenez votre bout, monsieur, parce qu'il y a pas mal de la population qui commence à en avoir marre de payer puis de payer. Moi, je travaille, puis il me reste jamais plus rien, Chris. Puis là, ben, je vais payer pour lui. Ah, ça, je vous comprends, puis on commence à en avoir notre claque, nous autres aussi. Hey, merci beaucoup. Oui. Au revoir. Merci, bonne journée. 418-670-9098 ou le 1-877-440-2464. Ou hello, Radio X. Allô? Oui. Oui, 100% d'accord également. C'est moi, t'as pas eu de respect pour la vie de quelqu'un, zéro. Tu t'es pas posé. Pourquoi qu'on aurait pour la tienne? Hein? Qu'est-ce qu'on fait avec ce gars-là, là? Ah, moi, c'est débarras aussi. Je comprends pas, là. Comme Guy Turcotte, on regarde ça, là. Hey, tu peux pas. Même là, normalement, là. C'est des crimes comme ça, tu es tes propres enfants, là. C'est à la base, là, t'es pas humain si t'es capable de refaire ta vie après avoir fait ça. Comment tu fais fonctionner après, là, que dans ta tête, ça puisse virer correct après, là, après avoir fait ça, là. Puis la personne qui va aller, refaire ou se rematcher avec Guy Turcotte, là, on peut se poser des questions sur elle aussi, mettons, tu sais, dire, c'est beau, là. Non, tu sais, c'est... d'après moi, c'est des personnes qui peuvent plus servir à rien après. Hein. Ah, moi, je suis totalement d'accord avec vous. Même s'il y a eu une bulle au cerveau à ce moment-là, ça excuse absolument rien. Absolument ça. Puis, tu sais, en même temps, là, tu viens de prouver en même temps à la société que toi, si tu prends quelque chose, moi, maintenant, si je bois, là, maintenant, si je bois trop, au pire, m'a vomi, m'a endormi sur une table à quelque part. Là. Mm-hmm. Je m'en irais pas commencer à décapiter du monde là parce que là, j'ai pris quelque chose. Là. Tu sais, c'est. Fait que si tu te prouves en plus à la société que toi, si tu consommes de quoi, tu viens dangereux, rare, là. Tu sais, je sais pas, là. Tu peux t'aller tirer en bas du pont si tu veux toi-même, là. C'est pas grave. Mais là, quand tu commences à affecter la sécurité des autres, c'est là que ça marche plus, non? Tout le monde dit, mais en plus, nous autres, ben, par conscience sociale, la peine de mort, ça a pas de bon sens, parce que si on le met à mort, on fait aussi pire que lui. Ben, non, je m'excuse, on fait pas aussi pire que lui, là. C'est lui qui a attaqué en premier. Là. Et lui, il a montré aux autres qu'il était dangereux. À un moment donné, il faut le tasser. Hein. Bon, on va s'en débarrasser. Moi, des gens dangereux, je ne vais pas continuer à faire vivre ça pour rien. Non. Hey, merci beaucoup. Imagine ce qu'on économiserait en plus socialement, là, si tout ce monde-là, ben, il serait, imagine-tu l'argent qu'on sauverait socialement? C'est sûr. Hein? Hey, merci d'avoir appelé. C'est bon, salut. Merci, passe une bonne journée. On va en prendre un autre. Oui, allô, Radio X? Bonjour. Bonjour. Guy Turcotte, il a pas tué un enfant, il a tué deux enfants. Mm-hmm. Après avoir tué le premier, là, quand il s'est dirigé vers le deuxième, il savait où c'était le deuxième. Ben oui. Il savait comment le tuer aussi. Puis une autre affaire aussi que je comprends pas, c'est supposons qu'il le remette en liberté. Puis lui, il dit qu'il était malade, je sais pas trop quoi. S'il le remette en liberté, là, quand est-ce qu'il va déclencher encore sur quelqu'un d'autre, sur quelqu'un qui va lui dire écoute, Guy Turcotte, t'es pas correct ce que t'as fait, puis il va se venger. Moi, je pourrais pas être son voisin, en tout cas. Puis d'habitude, je suis pas mal pour la compassion, puis tout ça, mais je sais pas pourquoi dans ce cas-là. Après avoir tué les enfants à coups de plusieurs couteaux, le coup de couteau, regardez, monsieur, moi, la compassion prend le bord, hein? Ah, j'en ai pas de sous, monsieur. C'est la première fois de ma vie, je pense que j'ai aucune compassion pour ça. Okay? Ah, je vous comprends très bien. Merci d'avoir appelé. Au revoir. Merci, passez une bonne journée. On en prend un autre. Oui, allô, Radio X? Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, on vous écoute. Oui, j'ai aucune compassion pour ces gars-là. Moi, c'est de l'art, là, mais on dirait qu'on enferme le monde normal en dedans. Ceux-là qui sont malades à cause qui tuent, ils se font déclarer malades, ils ont le droit de tuer, eux autres. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là? On ne le saura jamais, finalement. On va en prendre un autre. Allô, Radio X? Hey, salut, Carl, ça va bien? Très bien, toi-même. Salut, Marie, salut, Pee-Wee aussi. Salut. Allô? Hey, moi, je suis radical dans mes amis, puis souvent les gens me trouvent un peu extrémiste, quasiment Texas sudiste, là. Mais moi, je me dis, avant, on faisait la pendaison, puis il y avait des peines de mort, puis ça pouvait être aussi facile que moi, j'ai dit, puis oui, je t'ai vu faire telle chose, ça passe en cours et on te pend haut et court, merci, bonsoir. Maintenant, aujourd'hui, là, je dis pas que tous les meurtriers devraient, selon moi, oui, là, mais je dis pas qu'on devrait appliquer la peine de mort avec tous les meurtriers. Mm-hmm. Par contre, aujourd'hui, avec toutes les preuves balistiques, les preuves d'ADN, les preuves vidéo aussi, qui s'en viennent beaucoup parce qu'on est tellement, il y a tellement tout partout des caméras que dans toutes les histoires, tu sors à un moment donné une caméra qui a filmé la personne à un moment donné. Je me dis, à ce moment-là, quand que tu vois qu'il y a toutes des éléments de preuve ou carrément un aveu de la part comme Guy Turcotte ou comme Magnotta, à ce moment-là, pose pas de questions, c'est le peloton d'exécution. Tu sais, je veux dire, je comprends que la peine de mort a été enlevée souvent parce qu'il y a eu des erreurs, puis je peux les comprendre, les erreurs dans le passé. Malheureusement, on n'avait pas la technologie d'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, avec une technologie hors de tout doute, là, une vidéo, le gars qui signe son nom, tu vois sa face avec le couteau qui rentre dans la personne, je verrais pas pourquoi qu'on devrait dépenser en prison pour ça. Totalement d'accord avec toi, et merci d'avoir appelé. Hey, bonne journée. Merci à toi aussi, un petit dernier. Oui, allô, Radio X? Oui, bonjour, ça va? Oui, très bien. Vous-même, qu'est-ce qu'on fait avec des Guy Turcotte de ce monde, avec des si déclarés coupables, bien sûr, Jean-François Roy, des gars qui assassinent comme ça des enfants ou des chauffeurs de taxi? On fait quoi? Ben, je sais pas, mais moi, je trouve que sérieusement, tu sais, le monde là, qu'on met en dedans à vie, mettons, là. Ouais. On est en dedans à vie, là. On n'est pas des juges, on peut pas savoir. Je suis pas un professionnel en politique, mais on est une démocratie. Pourquoi ce monde-là, genre, pourquoi qu'on passe pas une loi que, OK, le gars est en prison à vie, ben, tant qu'il est en prison à vie, ben, c'est la peine de mort, ça finit là, là. Parce qu'on sait qu'il va finir ses jours en dedans, anyway. Fait que pourquoi le garder tout de suite s'il va passer le restant de ses jours en dedans? C'est ça, puis on est tous là à tous donner des arguments meilleurs les uns que les autres. On est tous là à faire, ah oui, c'est vrai, t'as vraiment raison, mais on pense tous la même affaire. Pourquoi tu passes pas un vote, le gouvernement, pour juste dire, bon, ben, on passe un vote, puis... Si on vote tout ensemble que prison à vie égale peine de mort, ben, c'est ça qui est ça, tu sais. Mais le gars qui fait 14 vols à main armée dans sa vie, mais qui a pas tué personne, puis qui est condamné à prison, je sais pas moi, pour... Il a 60 ans, puis on le condamne à 20 ans de prison. On le tue, on le garde en vie, lui? Ben, c'est une bonne question, là, tu sais. Je veux dire, si on fait un bilan, puis qu'on dit que la peine de mort, on dit que la vie moyenne du monde au Canada finit à 80 ans en moyenne, puis lui, ben, il faudrait qu'il vive 145 ans pour finir sa peine, ben... On s'en débarrasse tout de suite. Ben, tant qu'à ça. Ouais, pas fou comme idée. Hey, merci d'avoir appelé. Yeah, salut. Merci, passe une bonne journée. Faut juste faire attention quand même aussi. Là. Moi, j'ai aucun problème de la peine de mort. Ramener ça pour des gens qui ont tué. Des gens qui ont pas tué personne, là, j'ai un petit peu de la misère. Ben, en fait, j'ai un petit peu de la misère. C'est mon côté éthique qui parle, parce que tant qu'à moi, je les passerais toutes, là, les pédophiles, les meurtriers, les violeurs. Je les mettrais toutes dans la même chambre, puis je partirais le gars, ça serait pas long. Là. C'est tellement un sujet qui est tabou, la peine de mort, mais tout le monde en parle. Mm-hmm. Tout le monde en parle. tu sais, t'as le privilège d'avoir un micro. Puis garde, c'est moi ça fait des ça années réagir. Que je prône le retour de la peine de mort au Canada, puis ça fait des années que je cherche quelqu'un avec qui en parler. Puis essayer de me trouver quelqu'un, s'il y a un porte-parole du retour de la peine de mort ou un porte-parole de CIWA, j'en ai pas. J'ai jamais été capable de trouver quelqu'un qui pouvait avoir une discussion avec moi sur le retour de la peine qui était pour. Si tu veux des gens qui sont contre, ça il y en a partout, ça c'est facile à trouver. Mais quelqu'un qui est pour, j'ai jamais trouvé personne. Un politicien qui s'affirme haut et fort, ne pas. Le seul qui a osé s'affirmer à un moment donné, c'est Pierre-Hugues Boisvenu. Puis je me souviens pas c'était quel dossier, mais il avait dit, écoutez, au pire, là, si on laisse une corde dans sa luse, ça changera pas grand-chose, là. Puis il avait dit ça d'un meurtrier, mais je me souviens pas de qui. Je pense pas que c'était Richard Bain, peut-être. Puis là, tous les médias étaient tombés sur son dos, puis vous avez pas le droit de dire ça, puis c'est inacceptable. Je m'excuse. Moi, je te dis, quelqu'un qui est accusé, puis quelqu'un qui est déclaré coupable d'avoir assassiné quelqu'un, à côté de la bolle, devrait avoir une belle petite corde en haut, ce serait bien moins compliqué. Tu passes, tu fais ta tournée, tu fais OK, un de moins, tu le décroches, tu l'enterres en arrière, là. Mais ça, c'est mon opinion personnelle à moi, là. Mais je vous lis, puis vous êtes pas mal à la partager. Plusieurs personnes aussi qui nous ont téléphoné. Continuez. Personne va en sens inverse. Ben, je t'écoute, Marie. C'est à moi de le faire. Ben oui, c'est toi. Ben, moi, je tiens à mentionner que socialement, j'aurais de la misère à dealer avec ça. Mm-hmm. Parce que moi-même, je me sentirais, tu sais, dans la peau de l'assassin aussi. Ouais.